L'héritage mystérieux, chapitre 1er, Sir Williams. Décembre déployait ses ailes ternes et brumeuses sur l'immensité qui s'allonge aux deux rives de la Seine. Une pluie fine, pénétrante et glacée, s'échappait du brouillard qui couvrait Paris et mouillait lentement le pavé des rues. Les réverbères n'éclairaient qu'à demi les carrefours et les ruelles sombres des quartiers populeux. C'était la nuit. Une froide nuit d'hiver, remplie de solitude et de tristesse, et par laquelle les passants se sauvaient, ainsi que des spectres attardés sur la terre, et qui, voyant le jour approcher, regagnaient en hâte leur cercueil. Paris semblait désert, à cette heure de minuit qui retentissait lugubrement dans l'espace, sonnait au clocher de toutes les églises. Les Halles elles-mêmes, second foyer du mouvement et de la vie populaire, dormaient quelques instants en attendant les lourds chariots des maraîchers. La dernière voiture de bal était rentrée. Le premier camion ne roulait point encore. Un silence de mort pesait sur les deux rives du fleuve et permettait d'entendre à de grandes distances le pas sonore et régulier des patrouilles faisant leur ronde ou l'hurlement d'un chien de garde déchaîné dans la cour des vieilles maisons du Marais. Sur le quai Saint-Paul, non loin de la caserne des Célestins, un homme enveloppé dans son manteau cheminait lentement, peu soucieux du froid et de la pluie, et paraissait absorbé dans une profonde et tenace méditation. Parfois cet homme s'arrêtait et regardait alternativement le fleuve bourbeux roulant avec un bruit sourd entre ses deux rives de pierre et ce pâté de maisons qui borde le quai et reste là comme un vestige dernier, un débris chancelant, mais encore debout, du Paris de Charles VI et de Louis XI. Puis son regard s'étendait et allait embrasser la noire silhouette des tours Notre-Dame, se détachant en vigueur sur le ciel sombre et montant vers la nue avec leur couronne de brume. Alors il reprenait sa marche et semblait se parler à lui-même. Il atteignit ainsi au pont de Damiette, sur lequel il s'engagea et qu'il traversa rapidement. Puis en touchant le quai de l'île Saint-Louis, il leva la tête et explora d'un coup d'œil le faîte des toits environnants. Derrière l'hôtel Lambert, au sixième étage d'une maison de la rue Saint-Louis, une lumière brillait au châssis d'une mansarde. Pourtant la maison était d'une modeste apparence, et paraissait habitée sinon par des ouvriers, du moins par de paisibles petits bourgeois, qui, dans un quartier aussi retiré que l'île Saint-Louis, n'avaient point coutume de prolonger leur veillée aussi tard. Cette lumière, du reste, était placée au bord de la fenêtre, tout près du châssis, et elle était évidemment un signal, car le promeneur nocturne, après l'avoir examiné un moment avec attention, murmura « C'est bien, Collaret chez lui, il m'attend. » Et il approcha deux doigts de ses lèvres, et les posa en forme de sifflet, et envoya à travers l'espace le mystérieux avertissement des voleurs de nuit et des filous à la fenêtre de la mansarde. Presque aussitôt après, la lumière s'éteignit, et il ne fut plus possible désormais de distinguer des autres croisées du sixième étage celle où elle était apparue. 10 minutes après, un coup de sifflet pareil au sien, mais moins fortement accentué, se fit entendre à une faible distance sur les derrières de l'hôtel Lambert, et bientôt un pas régulier rapide retentit dans l'éloignement et s'approcha peu à peu. Puis une forme humaine se dessina à 100 pas de l'inconnu, et le même coup de sifflet résonna une seconde fois. « Collard, » dit l'inconnu en se levant et allant à la rencontre du nouveau venu. « Me voilà, votre seigneurie, » répondit ce dernier à voix basse. « C'est bien, Collard, tu es fidèle au rendez-vous, » reprit le promeneur du quai des Célestins. « Sans doute, votre seigneurie, mais pas de nom propre, s'il vous plaît. La rousse a de bonnes oreilles et une excellente mémoire, et votre ami Collard est allé au bagne. » Où on lui a conservé une chambre d'amis, pour le cas où il lui arriverait d'y retourner. C'est juste, mais nous sommes seuls, les quais sont déserts. N'importe. Si votre seigneurie veut causer, elle ferait bien de descendre tout au bord de la rivière par ce petit escalier. Nous irons nous asseoir sous le pont et nous causerons en anglais. Une bien belle langue, ma foi, et que les gens de la rue de Jérusalem ne parlent guère. Soit, répondit l'inconnu, qui suivit celui qu'il avait appelé Collard, lequel lui montra le chemin. Ils s'établirent sous le tablier du pont, s'assirent sur une pierre jetée en travers du chemin de halage, et alors Collard reprit la parole. « D'abord, nous sommes très bien ici, et nous nous moquons de la pluie. Il fait un peu froid, mais bon, quand il s'agit d'affaires... Et puis nous aurons bientôt conclu, j'imagine. C'est probable, dit l'inconnu. Quand votre seigneurie est-elle arrivée de Londres? Ce soir à 8 heures, et tu le vois? Je n'ai pas perdu de temps, j'étais exact. « Je reconnais là mon ancien capitaine, » murmura Collard avec une nuance respectueuse dans la voix. Voyons, reprit l'inconnu, qu'as-tu fait ici depuis 3 semaines ? J'ai réuni une troupe fort convenable. Très bien. Mais voyez-vous, poursuivit Collard, les Parisiens ne valent pas les Anglais pour notre métier. Et bien que j'ai choisi ce qu'il y avait de mieux, il nous faudra quelques mois pour dresser tout à fait ces drôles. D'ailleurs, votre seigneurie en jugera et verra leur binette. Quand ? Mais sur le champ, si vous voulez. Leur as-tu donné rendez-vous ? Oui. Il y a mieux. Je vais conduire votre seigneurie en un lieu où elle pourra les voir entrer l'un après l'autre sans être vue elle-même. Allons, dit celui-ci à qui Collard donnait alternativement le titre de capitaine et l'aristocratique qualification de seigneurie. Mais, objecta Collard avec une certaine hésitation, si nous n'allions pas nous entendre, nous nous entendrons. Murmura Collard, voici que j'attrape la 50aine, votre seigneurie, et je songe à mes vieux jours. C'est fort juste, mais je serai plus que raisonnable. Voyons, combien te faut-il pour toi ? Mais il me semble, dit Collard, que 25 000 francs par an et une prime d'un dixième par chaque affaire. Soit, bas pour les 25 000 francs. À présent, il y a les traitements de mes hommes. Ah, dit le capitaine, je connais tes mérites, mais il faut voir tes hommes à l'œuvre pour les tarifier, sûrement. C'est vrai, murmura Collard, convaincu de la justesse de l'argument. Eh bien, en route. Et quand je les aurai vus, nous causerons. Combien sont-ils ? 10. Est-ce suffisant ? Pour le moment, oui. Nous verrons plus tard. Collard et le capitaine quittèrent le lieu où ils venaient d'échanger ces quelques mots et remontèrent sur le quai qu'ils longèrent jusqu'au pont qui réunit l'île Saint-Louis à la cité. Là, ils prirent le derrière de l'église Notre-Dame, passèrent le second bras de la Seine au-dessus de l'Hôtel-Dieu et se trouvèrent à la lisière du quartier latin. Collard s'engage alors, servant de guide au capitaine, dans un labyrinthe de petites rues tortueuses et ne s'arrêta qu'à l'entrée de la rue Serpente. « C'est ici, mon capitaine, » dit-il. Le capitaine leva la tête et aperçut une vieille maison à 2 étages seulement et dont les contrevents disjoints étaient fermés et ne laisseraient échapper aucune clarté. On eût dit une demeure inhabitée. Collard mit une clé dans la serrure de la porte bâtarde, l'ouvrit et pénétra le premier dans une allée étroite et sombre où le capitaine le suivit. « Voici les bureaux de l'agence, » murmura-t-il en riant, à mi-voix, après avoir prudemment refermé la porte. Il tira un briquet phosphorique de sa poche et alluma un rat-de-cave pour éclairer le chemin. Au bout de l'allée, le capitaine aperçut les premières marches d'un escalier usé auquel une corde graisseuse servait de rampe. Collard s'y engagea et gagna le premier étage de la maison. Là, il poussa une seconde porte et dit au capitaine « Voici un endroit d'où votre seigneurie verra sans être vue. » Et pour estimer le savoir-faire de mes hommes au jugé, comme on dit. En effet, laissant le capitaine seul et dans l'obscurité un moment, Collard passa avec son rat-de-cave dans une pièce voisine ouvrant sur le carré, et tout aussitôt son compagnon vit jaillir un jet lumineux devant lui et reconnut un trou percé dans la cloison. Grâce à ce trou, il pouvait voir et entendre, sans qu'on soupçonnât sa présence, tout ce qui se ferait ou se dirait dans la pièce où Collard venait d'entrer. Il commença donc par jeter un coup d'œil sur l'ameublement, qui était celui d'un petit salon de bourgeois dont le revenu varie de 2 à 3 000 francs. Canapé couleur acajou en vieux voleur d'Utrecht, rideau de damas rouge, pendule à colonne, escorté sur la cheminée de 2 vases de fleurs sous globe, console au-dessous d'une glace à trumeaux et carrossiré avec soin. « Voici, dit Collard, qui revint auprès du capitaine, le logement de mon sous-lieutenant, qui pour tout le quartier est un bon rentier retiré des affaires et vivant avec sa femme comme le tourtereau avec sa tourterelle. « Ah ! » dit le capitaine, « il est marié, à peu près. » « Et sa femme ?»« Madame Coquelet, » dit Collard gravement, « est une femme de mérite. Elle joue au choix les dames de charité, les comtesses du faubourg Saint-Germain et les princesses polonaises. Dans la rue Serpente, elle passe pour modèle de piété et de vertu conjugale. « Très bien, » dit le capitaine, « où est ce Coquelet ?» « Vous allez le voir !» répondit Collard, qui du bout de sa canne à nœuds dont il était muni, heurta le plafond de 3 coups régulièrement espacés. Au même instant, un bruit se fit à l'étage supérieur, et peu après, des pas résonnèrent dans l'escalier. Le capitaine vit alors apparaître un bougeoir à la main, un homme de 50 ans environ, chauve, maigre, l'œil cave et le front déprimé. Il était vêtu d'une vieille robe de chambre à ramages verts et chaussé de pantoufles en lisière. À première vue, M. Coquelet était un honnête épicier retiré, achevant une paisible vieillesse entre les plaisirs de la table d'hôte le dimanche et le confort du pot-au-feu et de la salade de ménage dans la semaine. Il avait un sourire triomphant et naïf. Mais l'œil exercé du capitaine n'eut aucune peine à démêler sous cette bonhomie apparente un caractère hardi et résolu, des instincts féroces, une sorte d'Hercule qui se faisait pardonner sa calvitie par ses bras et une poitrine velue, et sa maigreur par une vigueur musculaire peu commune. Certes, cet homme, comparé à Collard et au capitaine, était aussi peu semblable à eux qu'ils l'étaient eux-mêmes l'un à l'autre. Collard était un homme de 35 à 40 ans, grand, mince, portant une barbe et des moustaches noires, et ayant la tournure d'un sous-officier en costume de ville. Aux yeux d'une femme vulgaire, Collard aurait pu résumer le type idéal de l'homme beau, pour ne pas dire du bel âtre. Collard avait servi, et il conservait la désinvolture militaire en dépit de sa nouvelle profession, qui était un peu mystérieuse peut-être, et non autorisée par les lois qui régissent nos sociétés modernes, mais qui n'en a pas fait moins de fervents adeptes et de dévoués sectaires. Le capitaine, au contraire, était un jeune homme de 28 ans à peine et qui ne paraissait pas avoir 24, tant il était blond et imberbe. De taille moyenne, mince, délicat en apparence, il n'avait de réellement viril que l'ardent regard qui jaillissait de ses yeux noirs, contraste étrange avec ses cheveux d'un blond cendré. On l'appelait à Londres d'où il arrivait, où il avait laissé une mystérieuse et terrible renommée, le capitaine Williams, mais peut-être n'était-ce point là son vrai nom. Maître Coquelet salua le capitaine et regarda Collard d'un air interrogateur. « C'est le maître, » dit brièvement l'ancien soldat. Coquelet examina alors le capitaine avec une respectueuse attention et murmura tout bas, « Bien jeune. »« À Londres, » lui souffla Collard à l'oreille, « on ne s'en est jamais aperçu. C'est un homme, bas. » Puis Collard ajouta, « Nos lapins vont venir d'ici à quelques minutes. Je leur ai donné rendez-vous à tous de 1 heure à 2 heures du matin, et j'entends sonner 1 heure. Tu les recevras, Coquelet. Et vous, mon lieutenant ? » demanda le faux épicier retiré. Moi, je vais causer avec sa seigneurie et lui montrer nos hommes par ce Judas avec un bout de biographie. C'est le plus simple pour aller vite en besogne. Suffit, dit Coquelet, je comprends. Un petit coup sec et significatif fut frappé en ce moment à la porte d'entrée à la maison. Bon, dit Coquelet, en voici un. Et il descendit, son bougeoir à la main, laissant Collard et le capitaine qui s'enfermèrent dans la petite pièce contiguë au salon de M. Coquelet et soufflèrent leur rat de cave. 2 minutes après, le faux épicier remonta en compagnie d'un jeune homme mince, fluet, aux cheveux crépus et mis avec une élégance qui sentait son boulevard des Italiens. « Ceci, » dit Collard à voix basse, tandis que le capitaine Williams collait son œil au trou percé dans le mur, « ceci est un aristo, votre seigneurie. Un jeune homme de bien bonne famille qui, s'il n'avait eu quelques démêlés avec la rousse, qu'il a envoyé prendre les bains de mer à Rochefort, serait entré dans la magistrature ou la diplomatie. On l'appelle, de son vrai nom, le chevalier d'Ornith, mais il s'est prudemment débaptisé, et les dames de la rue Bréda, qui l'idolâtrent, l'ont surnommé Bistoquet. Bistoquet est un garçon d'esprit, il a de petits talents très suffisants. Personne mieux que lui ne fait le tiroir où l'on se connaît, et au besoin, il joue du couteau très proprement. Il ouvrirait une serrure fichée avec une paille, et passerait par le trou d'une aiguille tant il est mince. « Pouh !» fit dédaigneusement le capitaine. « Il faudra voir. » Après le chevalier Bistoquet arrivèrent successivement une sorte de géant à grande barbe rousse du nom de Mourax, un héros de la salle Montesquieu, et un petit homme sec et maigre, plein de vigueur, et dont les yeux verts brillaient comme ceux d'un chat. « Voilà Oreste et Pylade, » dit Collard. Mourax et Nicolo sont amis depuis 20 ans. Ils ont porté les mêmes breloques à Toulon pendant 10 ans. Ils sont devenus associés en sortant du bagne. Mourax court les barrières le dimanche, habillé en Hercule, et Nicolo en Pierrot ou en paillasse. Votre seigneurie pourra utiliser leur moment perdu. « J'aime mieux cela, » dit laconiquement le capitaine. Après les deux artistes, en plein vent, arriva un grand jeune homme aux cheveux rouges et vêtu d'une blouse bleue. Il avait les mains noires d'un forgeron. « C'est le serrurier de la troupe, » dit Collard. « Bien ?» répondit Williams. Au serrurier succéda un petit monsieur un peu gras, un peu chauve, décemment vêtu de noir des pieds à la tête et portant une cravate blanche et des lunettes bleues. Il avait sous le bras un grand portefeuille en chagrin noir et son nez, un peu rouge, témoignait de son culte fervent pour la dive bouteille. « Ça, » murmura Collard à l'oreille du capitaine, « c'est un clerc de notaire infortuné que des Robert ont conduit à quitter son étude pour un méchant cabinet d'affaires situé rue Mondétour, un quartier perdu. Monsieur Nivardet a une assez belle écriture et il fait le faux dans la perfection, imitant toutes les mains, depuis l'anglaise jusqu'à la ronde bâtarde. Un amour de plume, quoi. « Nous verrons, » dit Williams, d'un ton bref. Au notaire succédèrent tour à tour les quatre dernières recrues de Collard, dont les types insignifiants n'apparaîtront dans la suite de cette histoire qu'à titre de comparse de ce vaste drame que nous allons dérouler sous les yeux du lecteur. Quand l'inspection fut terminée, Collard se tourna vers le capitaine. « Votre seigneurie désire-t-elle se montrer, enfin ?»« Non, » dit Williams. « Comment ?» fit Collard étonné. « Votre seigneurie n'est-elle pas satisfaite ?»« Oui et non. Mais dans tous les cas, je désire demeurer inconnu et n'avoir affaire à ma bande que par ton intermédiaire. »« Comme il vous plaira, » répondit Collard. « Nous causerons demain, » ajouta Williams, « et nous verrons ce qu'il peut y avoir à faire de tous ces braves gens. » En prononçant ces mots à voix basse, le capitaine quitta sur la pointe du pied son poste d'observation et se dirigea doucement vers la porte entr'ouverte sur l'étroit palier de l'escalier. « Demain, » dit-il, « à la même heure, au même endroit. Bonsoir. » Et le capitaine Williams disparut dans les ténèbres de l'escalier et gagna la rue, laissant Collard rejoindre les hommes qu'il avait embauchés. De la rue Serpente, Williams déboucha dans la rue Saint-André-des-Arts, la remonta jusqu'à la place de ce nom, et ensuite se dirigea vers les quais. Là, il passa la Seine, traversa la cité et arriva sur la place du Châtelet. En ce moment, une voiture à deux chevaux débouchait par la rue Saint-Denis et le cocher criait gare au capitaine, qu'un sentiment de curiosité vague avait poussé à s'approcher. Le piéton et l'équipage se croisèrent sous un réverbère. William s'effaça, mais il jeta un coup d'œil dans la voiture dont les glaces étaient baissées et à la lueur du réverbère, il aperçut un homme dont la vue lui arracha un cri étouffé. « Armand, » murmura-t-il. Mais la voiture passa au grand trot, emportant l'homme que Williams avait appelé Armand et qui, sans doute, n'eut le temps ni de remarquer le piéton ni d'entendre son exclamation étouffée. Un moment immobile, le capitaine Williams regarda l'équipage s'éloigner dans la direction des quais. Puis, croisant les bras, il murmura lentement et avec l'accent de la haine. « Ah, nous voilà donc enfin en présence, frère. Toi, l'idiote incarnation de la vertu, moi, le génie du vice et la personnification du mal. Tu cours sans doute soulager quelque infortune avec l'or que tu as volé? Eh bien, à nous deux, car me voici de retour, et j'ai soif d'or et de vengeance. » Le lendemain, le capitaine Williams fut exact au rendez-vous qu'il avait donné à Collard sous l'arche du pont et fit entendre son coup de sifflet mystérieux. Collard l'attendait et se leva vivement au bruit de ses pas, puis il courut à sa rencontre. « Capitaine, murmura-t-il, je crois que j'ai trouvé une fameuse piste. » Et l'entraînant sous l'arche, il ajouta, « Il s'agit de 12 millions. »